toute la semaine a vibré du nom d'oiseau que le président de la République a employé pour qualifier ses intentions vis-à-vis de la partie résiduelle de la population française qui n'est pas vaccinée, peu ou prou, 10%. Si l'insulte n'est guère productive, quelle est la place des scientifiques et des vulgarisatrices et vulgarisateurs pour tâcher de convaincre ces derniers récalcitrants? Ce sera notre débat du jour. Nous parlerons également d'embryons humains artificiels, d'une planète brisée dans le viseur du télescope TESS et de ce qui se passe vraiment si un astéroïde lui tombe sur la tête. Non vaccinés, embryons de synthèse, mission DART et planète brisée, c'est le programme qui n'emmerde personne pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour déployer ce programme, tel le superbe bouclier thermique du James Webb Space Telescope dont nous vous parlions mardi et dont nous allons vous retoucher un mot, le déployer donc ce bouclier avec grâce et précision, ce que nous allons faire tout au long de cette heure. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Hénaré-Ros, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de magazine Ciel et Espace. Thomas Cavaillé, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de chez Science et Vie et nous sommes en ligne avec Patrick Beau. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Vidéaste, auteur des séries Secrètes, c'est chez Duno et Axolot, le chez Delcourt. Mais on commence par celle qui déploie chaque jour sous vos oreilles ébahies le grand voile de l'actualité scientifique. Chaud derrière, froid devant, c'est Natacha Trio pour le journal des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue JAMA Surgery. Si vous êtes une femme ou un homme, vos résultats post-opératoires risquent de ne pas être les mêmes selon le sexe de votre chirurgien. Une équipe internationale a étudié les dossiers médicaux de plus d'un million de patients et de patientes dans les hôpitaux canadiens. Il se trouve qu'il existe une association entre le sexe du chirurgien, homme ou femme, et aussi le sexe du patient ou patiente. Plus précisément, si le chirurgien est un homme, quand on regarde les complications post-opératoires, il s'avère qu'elles sont un peu plus fréquentes quand les patients sont des femmes, comparativement à la population des patients hommes. Et autre point, si le chirurgien est une femme, ce qui arrive aussi, à ce moment-là, on ne trouve pas de différence dans les complications post-opératoires entre les patients et les patientes. Alors pour expliquer cet écart entre les résultats, l'hypothèse de biais sexuel implicite est évoquée. Catherine Vidal est membre du comité d'éthique de l'INSERM, où elle co-dirige le groupe Genre et Recherche en Santé. Cette étude apporte des informations et des chiffres sur le plan statistique, puisque ce sont des gros échantillons qui ont été analysés. Mais hélas, l'étude n'apporte pas d'explication. Bon, parmi les hypothèses que l'on peut avancer pour expliquer que les femmes présentent plus de complications post-opératoires, il peut y avoir une difficulté aussi dans les relations interpersonnelles entre un chirurgien homme et une patiente. On sait qu'il y a souvent une sous-estimation de la sévérité des symptômes par les médecins. Et ça, c'est dû à une longue histoire de la médecine, hein, où les femmes étaient a priori considérées comme toujours en souffrance, se plaignant pour un rien. Et il y a eu longtemps une sous-estimation de la réalité de certaines pathologies parce que la plainte des femmes n'était pas suffisamment prise en compte. Parmi les hypothèses que l'on peut avancer, il y a non seulement le problème des biais de genre dans l'appréciation des symptômes et dans le diagnostic éventuel des complications post-opératoires, mais ce n'est pas la seule raison. Il peut y avoir le fait que les comorbidités puissent être différentes entre les femmes et les hommes, avec donc des risques qui ne sont pas les mêmes dans l'évolution de la chirurgie post-opératoire. Et il y a aussi tout l'aspect socio-économique qui fait que quand on est en situation de précarité, ce qui concerne majoritairement les femmes, avec des mauvaises couvertures en assurance maladie, les femmes auront peut-être moins tendance à aller rapidement consulter et donc peuvent présenter une aggravation des complications post-opératoires. Voilà, si vous voulez vous pencher sur cette étude qui nous a, il faut le dire tous, assez surpris, c'est une étude de JAMA Surgery que nous venons de poster, comme toutes les autres études dont il va être question, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Natacha, un médicament pour traiter l'endométriose pourrait bientôt voir le jour. Mais l'endométriose, c'est cette maladie chronique, mal diagnostiquée, mal connue, qui touche pourtant une femme sur 10, qui est handicapante, extrêmement douloureuse, et pas seulement pendant les règles. Une maladie qui est à ce jour incurable. Les L'observatoire Obseva expérimente un traitement pour soigner ces douleurs, le Linzagolix, initialement conçu pour soigner les fibromes. Or, selon le communiqué de presse, les résultats de l'essai clinique de phase 3 seraient encourageants, avec une amélioration de l'état des patientes sur 6 mois et sans effet secondaire. Mais ce n'est qu'un communiqué de presse, on attend la publication d'une étude évaluée par des pairs. Et notre deuxième sujet de ce journal des sciences, comme chaque vendredi, nous tâchons de mettre en avant une étude, une publication sortie de laboratoires français. Selon une étude parue donc dans la revue Neuroscience and Biobehavioral Reviews, le langage et la mémoire à long terme sont beaucoup plus liés qu'on ne le pensait. Et cette équipe française a voulu explorer quels pouvaient être les liens entre le langage et la mémoire au niveau cérébral. Car on s'est rendu compte que l'on utilise ces deux fonctions cognitives de façon conjointe et quotidienne. Par exemple, les enfants ont tendance à avoir des souvenirs qui sont en lien avec leur capacité langagière. À mesure que leur vocabulaire ou que leur grammaire s'améliore, leurs souvenirs vont devenir plus prégnants, plus précis. Il y a aussi des patients qui présentent des lésions dans des régions cérébrales qui sont traditionnellement associées au langage, mais qui vont aussi avoir des trous de mémoire. Et là, actuellement, quand je suis en train de vous parler, je suis également en train de mémoriser. Alors pendant longtemps, les neuroscientifiques ont étudié ces fonctions de façon complètement séparée. L'idée, ici, c'est de restituer ce que les auteurs appellent une écologie de la cognition, et elle propose un nouveau modèle neurocognitif. Élise Roger est neuropsychologue clinicienne et chercheuse postdoctorante en neurosciences cognitives à l'université Grenoble-Alpes. Elle a co-signé cette étude. Ces liens entre le langage et la mémoire nous ont questionnés et on a cherché à modéliser, notamment avec des techniques de connectivité cérébrale. Donc on utilise l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et on va chercher à voir quels sont les liens entre différentes régions cérébrales, essayer de voir quels sont les réseaux qui pourraient sous-tendre ces dialogues constants entre le langage et la mémoire. Alors ce qui ressort de cette modélisation, c'est qu'il n'existe pas un système unique, mais plutôt des dialogues entre différents systèmes qui sous-tendent ces régions, ces fonctions langage-mémoire. Donc différents systèmes qui interagissent donc de manière constante et qui seraient spécifiquement liés à ces comportements unis du langage et de la mémoire. Donc c'est pas un système qui va être en lien avec soit le langage, soit la mémoire, mais bien les dialogues entre ces différents systèmes qui sous-tendent nos comportements langage-mémoire. Et donc de découvrir finalement ces systèmes, donc nous on en a identifié trois chez le sujet tout venant, donc trois systèmes principaux, ce sont des systèmes qu'on peut après aller étudier par exemple chez des patients et essayer de voir quelles peuvent être les modifications chez ces patients-là et de voir si ce cadre de référence que nous avons développé ici peut expliquer les troubles de langage et de mémoire que présentent les patients particulièrement. On a cherché à étudier donc ce système-là chez des patients particuliers qui présentent une épilepsie particulière mais fréquente chez l'adulte. Et on a pu observer que ce cadre de référence décrit mieux finalement les troubles qu'on observe chez ces patients-là que les modèles qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Donc c'est très encourageant pour la suite. Et puis on peut imaginer des perspectives dans d'autres maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, où on sait qu'il y a très fréquemment des troubles de mémoire, mais également des troubles de langage, des manques du mot, des difficultés donc à trouver ces mots, etc. Également, dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha en ultra bref. Cette semaine, un nouveau record pour le tokamak chinois. Ce projet de réacteur à fusion nucléaire a réussi à maintenir pendant 17 minutes un plasma à plus de 70 millions de degrés. 70 millions de degrés, hein, c'est 5 fois la température du Soleil. Dans cette course à la fusion nucléaire, cette source d'énergie peu polluante et quasi inépuisable, la Chine est en bonne place. Cette semaine, Ariane 6 est en route vers Kourou. Les principaux éléments de la fusée, l'étage principal et l'étage supérieur, devraient arriver au centre spatial guyanais à la mi-janvier. Deux derniers essais sont prévus avant un vol inaugural attendu vers le milieu de l'année 2022. Et enfin, cette semaine, on apprend que les chiens peuvent distinguer les langues. 18 chiens de Hongrie et d'Espagne ont été placés dans un IRM. Des lectures du Petit Prince ont été diffusées en espagnol, en hongrois, mais aussi avec des séquences en charabia. Les scans cérébraux montrent que non seulement les chiens sont capables de faire la différence entre la parole et la non-parole, mais aussi entre une langue étrangère ou une langue familière. C'est la première fois que l'on détecte une telle capacité langagière chez un animal non humain. Et comme chaque semaine, on termine par la rubrique de Science Improbable. Selon une étude parue dans la revue Behavioral Brain Research, des poissons rouges sont capables de conduire des voitures. Après les rats fous du volant, c'est au tour des poissons. Des chercheurs israéliens ont appris à des poissons à conduire une petite voiture, le FOV, le Fish Operated Vehicle. Alors vous pouvez voir des vidéos sur Internet, il s'agit d'un aquarium monté sur des roulettes et équipé d'un capteur LIDAR pour enregistrer et traduire les mouvements du poisson. Alors ils peuvent voir à travers la vitre pour se déplacer et naviguer dans un environnement terrestre donc. Afin d'atteindre une cible, une friandise, ils ont même su en contourner les obstacles, les impasses et les mauvais virages. En tout, 6 poissons rouges ont réussi à piloter ce véhicule. De là à passer le permis B, on n'en est pas sûr encore, mais c'est un bon début. Natacha, on ne vous retrouve pas lundi, on vous retrouve dès demain. Demain après-midi sur France Culture à 15h pour la case Toute une vie. Vous avez signé un merveilleux documentaire sur Diane Fosset. Donc rendez-vous à toutes et à tous demain à 15h pour écouter Natacha Triou nous parler de cette dame qui a passé sa vie avec les gorilles dans la brume. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et l'actualité scientifique cette semaine, c'est cette terminologie que l'on peut qualifier d'exotique qu'a employé le chef de l'État à l'égard des personnes non vaccinées. La classe politique, les médias s'en sont emparés ad nauseam, sans pour autant répondre à la question qui fâche. Comment convaincre les 10% de Françaises et de Français qui rechignent à la vaccination? S'il semble bien sûr utopique d'atteindre une couverture de 100%, il reste néanmoins dans cette frange des gens qui n'ont pas été convaincus ni par les discours politiques, ni par les discours médiatiques, ni par les discours scientifiques. Alors, après un an de reportages, de pédagogie, d'explications sur la nature des vaccins et sur leur fonctionnement, quel est notre rôle à nous, les vulgarisateurs et les vulgarisatrices scientifiques, ainsi qu'aux chercheuses et aux chercheurs qui se succèdent dans les médias pour tâcher non pas de stigmatiser les non-vaccinés, mais de leur faire entendre raison. Écoutez ce montage d'actualité sur le sujet, il est assez édifiant et il est signé Olivier Bétard. Je crois que j'aurais pas choisi le terme emmerdé parce qu'il y a quand même une connotation de... D'ailleurs, il lui dit « j'ai envie de ». Oui. Moi, pour rester dans sa sémantique habituelle, j'aurais dit « il faut leur mettre une pression de dingue aux non-vaccinés ». Vous en pensez quoi, vous, de cette polémique? Il a raison, le président, il nous emmerde, les non-vaccinés? Sur la forme, les politiques se chargent des commentaires. Sur le fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, la pierre angulaire de la stratégie, c'est la vaccination. Alors, sans dire que les non-vaccinés nous emmerdent, ce qui est clair, c'est que les non-vaccinés remplissent les lits de réanimation. Oui, nous avons l'impérieuse nécessité, comme nous le faisons depuis des mois, de faire progresser la vaccination dans ce pays. Mais quand, comme vous, je n'en doute pas, je vais sur le terrain... Comme vous, je me rends très régulièrement dans les services de soins critiques. Ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout. J'ai des problèmes de santé, donc j'ai peur avec les vaccins s'il m'arrive quelque chose. Donc non. Bonne santé et j'ai pas du tout envie de me faire inoculer quelque chose qui risque de me ficher en l'air. Voilà. Répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que... Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Larroutier. C'est un halo de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on va pas le rester calme. On devrait vous péter la gueule. Pourquoi vous soyez vœux, alors? Des suceurs du gouvernement. Des enfoirés, vous soutenez cet enfoiré de Macron, là. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, le climat n'est pas tout à fait à la détente. Alors la question que je voulais que nous nous posions collectivement autour de cette table aujourd'hui, c'est comment faire ? Comment faire pour parler à ces 10% restants ? Qu'avons-nous mal fait, peut-être, de notre côté, pour que la défiance soit aussi importante vis-à-vis des journalistes en règle générale et des journalistes scientifiques en particulier ? Thomas Cavalier, vous avez une opinion à ce sujet ? Est-ce qu'on a raté un coche à un moment donné ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord qu'on ait raté un coche, parce qu'il faut se souvenir que en novembre 2020, je crois, donc avant l'arrivée des premières doses de vaccins, la réticence envers la vaccination était estimée à plus de 40%. Donc là, on est en train de parler des 10 derniers pourcents restants. C'est la campagne de vaccination a quand même été un succès, je trouve. On fait partie des 10 pays les plus vaccinés au monde, et les chiffres en plus sont avec sont pour une vaccination, hein. On le voit, on estime, je crois, qu'il y a 80 000 morts qui ont été évitées en France en décembre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des contaminations qui explosent, et pourtant les chiffres de décès par jour ou de d'admission en réanimation sont bien plus bas que celles des premières vagues. Donc je suis absolument pas pour stigmatiser les gens, mais les faits sont là, et on continuera bien sûr à les présenter de la façon la plus simple possible, sans stigmatiser, sans pointer du doigt, parce que je pense que l'adhésion à la vaccination peut prendre un peu de temps aussi. Il y a des gens qui attendent de voir si ça marche effectivement, si les effets secondaires sont pas trop forts, et donc comme ça, on va continuer, la campagne de vaccination va continuer, je pense. Patrick Beau, une question. Est-ce que vous avez, vous, de votre point de vue, eu le sentiment, et c'est une question que je pose tout à fait ouverte, que peut-être, par rapport à ce type de solution vaccinale, les chercheurs, les scientifiques ont pu être un peu surplombants, puisque, quand on lit les études, quand on a les chiffres sous les yeux, quand on voit les outcomes et les études s'empiler, on est évidemment assez convaincu par les résultats de cette vaccination, et cette conviction peut déboucher sur parfois un ton un peu péremptoire ou parfois un peu méprisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si ce ton péremptoire et méprisant vient des scientifiques et des chercheurs qui généralement présentent des faits. Par contre, je pense que dans le débat public, ce qui est certain, c'est que si on prend les personnes qui refusent de se faire vacciner de haut, avec condescendance et mépris, il y a peu de chances que ça les fasse changer d'avis. Je suis moi-même confronté à certaines de ces personnes dans mon entourage, et ce que j'essaie de faire personnellement, c'est d'écouter les craintes, d'écouter les raisons, et d'y répondre par des faits. Et je pense que en procédant de cette manière-là, il y a peut-être certaines personnes qui finiront par être convaincues par les faits. Par contre, si on y oppose l'émotionnel, et si on est un petit peu, comme vous le disiez, péremptoire et un peu supérieur dans le ton, ça pourra pas arranger la situation, quoi. Donc je pense que oui, la seule solution, c'est vraiment de présenter les faits, écouter les craintes et ne pas prendre de haut, quoi. C'est quoi, par exemple, dans la boîte à outils de Patrick Beau, qu'est-ce qu'il y a justement face à des gens qui ont des doutes, qui refusent ou qui sont carrément contre, frontalement? Comment est-ce que vous argumentez? J'ai un exemple très concret. J'ai un exemple très concret dans mon entourage actuellement. Une personne donc qui ne veut pas se faire vacciner, mais qui n'est pas une anti-vax forcenée. Hein. C'est juste que elle a peur, elle a des craintes parce que elle entend des choses qui viennent généralement, de groupes Facebook. On connaît ce type de sources. Et en fait, ce que je dis moi dans ces cas-là, c'est que si on a peur des effets secondaires, il suffit de se renseigner pour voir que les effets secondaires en question sont beaucoup moins graves et beaucoup moins fréquents que les effets bien réels du Covid, si on a la malchance de développer une forme grave. Donc il y a pas photo, en fait. Personnellement, si je me suis fait vacciner, c'est parce que je préférais m'exposer à d'éventuels effets secondaires qu'à une forme grave de la maladie. Et personnellement, je pense que c'est la meilleure manière d'aborder le sujet. Ouais. Philippe Hénard-Héros, on entend bien hein, dans l'extrait final les interviews de Paul Larutourou face dans une manifestation anti-vax. Le ton est très très agressif et ça dit quelque chose plus généralement de la défiance vis-à-vis des journalistes et vis-à-vis de la parole scientifique. On voit bien que depuis 2 ans, on entre dans la troisième année, il y a eu aussi des paroles scientifiques qui ont décrédibilisé l'ensemble du discours scientifique par ailleurs légitime. Enfin bon, vous voyez évidemment à qui je veux faire référence. Est-ce qu'il y a une reconquête à faire? Est-ce qu'il faut remontrer à nouveau patte blanche et dire regardez, nous ne sommes pas vendus à Big Pharma, nous n'avons pas d'intérêt particulier si ce n'est celui de transmettre les informations que nous estimons utiles et fiables à transmettre. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on renoue ce contact avec la population? Sans doute il y a quelque chose à faire. Si j'avais la solution, je vous la donnerais à tous, croyez-le. Je profiterais de cette antenne pour le dire. Ceci dit, je suis d'accord avec mes deux confrères, mais effectivement, pour revenir sur le bout sonore qu'on a entendu, où c'est très agressif, on se rend compte à ce moment-là, quand on entend ça, qu'on n'est pas dans la discussion, qu'on est quand même dans beaucoup d'affectifs. Bon, c'est une minorité, comme on l'a dit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose c'est certainement pas en les prenant de face qu'on va convaincre quelqu'un qui est radicalement convaincu du contraire. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a autre chose à trouver. Pour nous, journalistes scientifiques, je ne sais pas, peut-être, je vais penser en même temps que je parle, mais peut-être faut-il montrer qu'après tout, nous sommes des citoyens comme les autres, que expliquer aussi quel est notre métier, parce que c'est un métier. On n'est pas juste des gens qui s'informent un peu comme ça sur Internet, mais quand on prend des sources, quand on prend des informations, on les vérifie. Ça, il faut le réexpliquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi, dans cette défiance dont vous parliez tout à l'heure, un lien qui s'est rompu entre nos lecteurs ou auditeurs potentiels et nous. Et que donc, à partir du moment où ce lien est rompu, on parle même pas de convaincre qui que ce soit. Nous, d'ailleurs, on est à la limite pas là pour convaincre, on est là pour donner les informations aux gens qui sont assez grands pour se faire leur propre opinion à partir de faits. Le problème aujourd'hui, c'est que même la véracité des faits est discutée. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut, à mon avis, essayer de reconquérir. Alors, peut-être par des choses auxquelles on pense même pas. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, les youtubeurs qui peuvent être très bien, mais j'ai l'impression qu'ils ont aussi parfois beaucoup de succès parce qu'ils ressemblent aux gens. Et ça, c'est pas quelque chose d'objectif. On se dit pas, ah, c'est parce que c'est une source fiable. C'est parce qu'ils me ressemblent. Donc, il y a peut-être aussi ce jeu à jouer, nous, pour dire, ben oui, on est des gens comme vous. Simplement, on a une méthodologie, on a une manière de vérifier l'information de manière à ce que ce soit quelque chose de fiable, qui fait que on peut arriver à vous donner des faits qui vous permettront d'avoir un avis argumenté. Et enfin, je crois quand même, malgré tout, qu'on ne pourra jamais, quel que soit le sujet, convaincre 100% de la population. Bien entendu. Donc, il y a aussi une limite, là. Bien entendu. Cas concret, hein, tout de suite sur Twitter, une auditrice qui répond au fil qui est en train de développer sur cette question Noémie Naguet. Transparence sur les effets secondaires, combien de décès, blessures graves, handicap, où sont les études sur la toxicité à long terme, transparence sur les contrats avec Big Pharma, liberté de prescrire, ne vous moquez pas des non-vax, ça suffit, nous sommes intelligents, cultivés. Donc on voit qu'il y a quand même, c'est ancré sur des inquiétudes précises tout de même, Thomas. Oui, tout à fait. Mais comme on disait, il y a quand même quelques pourcents qu'on n'arrivera jamais à convaincre, parce que il suffit de regarder, par exemple, je sais pas, le pourcentage de personnes qui mettent leur ceinture, alors qu'on sait très bien que la ceinture à la première place, c'est 98% qui la mettent, donc il y a 2% qui mettent pas leur ceinture, alors qu'on sait très bien que. Mais moi, j'ai posé la question à notre journaliste qui s'occupe justement de couvrir le Covid, et elle m'a dit que récemment, ce qui marchait, et c'est assez malheureux, c'est aussi l'expérience personnelle. Les gens qu'elle voyait se convertir autour d'elle, qui étaient anti-vax avant, c'est parce que une connaissance a chopé un Covid et a fait partie en réanimation. Et Et donc c'est malheureux, mais ça, il y a, c'est de l'affect aussi, ouais, et ouais, c'est de l'affect. Donc c'est marrant de voir que l'émotion aussi peut jouer là-dessus. Et je peux répondre à cette auditrice. Je sais pas si elle nous écoute ou elle, si elle est simplement sur Twitter. Mais transparence sur les effets secondaires, il me semble qu'on en a parlé, qu'on a les chiffres exacts, que tout ça a été dit. Combien de décès ? Là aussi, on a des chiffres qui sont tout à fait précis sur le nombre d'accidents. Il y en a eu quelques-uns malheureusement, mais c'est la loi des grands nombres, hein, puisque on est à plusieurs centaines de personnes, de millions de personnes vaccinées. Eh bien, il y a forcément des gens qui manquent de chance vont avoir des réactions fortes, blessures graves, handicap, tout ça, ça a été, il me semble, évoqué. En tout cas, nous avons toujours essayé, me semble-t-il, de traiter également ces doutes-là et ces interrogations-là au fur et à mesure que la littérature scientifique sortait. J'aimerais qu'on fasse un tout petit pas de côté, parce qu'il y a évidemment cette question dont on pourrait parler pendant une heure sans vraiment réussir à en faire le tour. Il y a une autre actualité scientifique dont nous vous parlions mardi, et qui est, là pour le coup, c'est du direct, 100% direct à Philippe Hénaré-Ross, c'est le déploiement du James Webb Space Telescope. On a suivi le déploiement du bouclier thermique, on n'a pas suivi, mais on en a parlé, du déploiement du miroir secondaire, et là c'est en ce moment même, au moment où nous parlons, quelque part à environ un peu plus d'un million de kilomètres de nous, l'une des parties, l'un des trois miroirs latéraux qui est en train de se déployer pour former l'ensemble des 18 qui sera la fin du déploiement. C'est-à-dire, depuis que le miroir secondaire a été mis en place, en fait, le télescope pourrait fonctionner déjà comme ça. Mais son miroir principal, qui est formé, c'est un hexagone de 18 segments hexagonaux. Donc vous voyez, ça fait un hexagone à l'arrivée. Comme il ne rentrait pas dans la coiffe, il a fallu en replier 6. Trois de chaque côté. Et ces ailes-là, on appelle ça des ailes, mais en fait, c'est parce que c'est sur les côtés, hein. C'est sur les côtés du miroir, qui sont en train d'être dépliés pour que le miroir principal soit complètement déplié et soit avec la résolution maximale quand il observera. Et en ce moment où nous parlons, effectivement, la première de ces deux ailes, donc trois miroirs de plus, est en train d'être dépliée. Je pense que la seconde, ce sera d'ici demain. Donc, de sorte que d'ici demain, le télescope, potentiellement, sera déjà opérationnel. On est à plus de 75% de toutes les opérations difficiles qu'il y avait à faire pour qu'il soit opérationnel. Donc ça marche bien quand même. Alors tout à fait opérationnel, ensuite il va falloir ajuster les miroirs. Et ça c'est une étape très longue qui va se passer sur plusieurs jours et ça va être du travail d'orfèvre puisque ça se joue au nanomètre. Oui, il y aura... quand le télescope d'ici fin janvier sera à son point d'observation dans l'espace, qui est le point de Lagrange, qui est un point d'équilibre à 1,5 million de kilomètres au-delà de la Terre par rapport au Soleil, les observations vont pas commencer pour autant. C'est pas parce qu'il est déployé que tout va bien. Il faut ajuster vraiment très précisément ces miroirs. Ceci dit, on a déjà l'expérience de ça, puisqu'il y a des télescopes terrestres qui sont faits avec cette technologie-là, et ça va prendre 6 mois. Tous ces ajustements, parce que forcément, on est à distance, on fait un test, on revient, etc. 6 mois avant que les observations puissent commencer et qu'on voit ce qu'on appelle traditionnellement la première lumière. Donc, il y a encore à patienter. Patrick Beau, un mot sur le James Webb. C'est une aventure absolument passionnante. On en a parlé, on appelait ça l'Arlésienne, puis de multiples reports. On se disait, il ne sera jamais lancé. On ne verra jamais la lumière de ce télescope. Et puis là, ça y est, c'est parti et c'est remarquablement parti. C'est absolument passionnant à suivre. Ah bah c'est extraordinaire, et en fait voilà, quand on voit ce déploiement là, il faut se souvenir qu'il y a 31 ans, donc en 90 quand Hubble a été lancé, il était myope au début. On se souvient tous de ça, il avait fallu ajuster un petit peu ses lunettes, entre guillemets. Et donc là, si du premier coup, le déploiement est opérationnel et si tout fonctionne, ce sera un exploit incroyable, puisque forcément, ce télescope est beaucoup plus complexe que ce que pouvait être Hubble à l'époque. Et personnellement, je suis très impatient d'avoir les premiers résultats par rapport aux analyses d'atmosphère, d'exoplanètes. Et je suis persuadé qu'on va aller de surprise en surprise. Thomas Cavalier, un mot aussi. Il y a cette fascination, comme on a pu avoir, en tout cas pour ma part, comme j'ai pu avoir pour Rosetta et Philae, enfin vraiment une sorte de suivi. Moi, j'adore me connecter parfois et juste regarder la page où on voit la progression du télescope, dont on va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Mais je veux dire qu'il y a vraiment un truc de fascination de gamin, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, ça se passe remarquablement bien. Là, le déploiement s'est bien effectué. En termes de carburant, apparemment, il va pouvoir tenir plus longtemps que prévu. Alors ça, c'est grâce à la précision d'arrivée. Ariane 5, il faut le préciser, ouais, qui est la fusée européenne. Hein. Les Américains ont du mal à le dire quand même, donc c'est à nous de le dire. Ouais, bravo Ariane 5, du coup. C'est un véritable succès. Donc, les premiers clichés vont être incroyables. Il nous tarde de regarder ça. Ouais. Eh bien, évidemment, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Ce sera certainement pour la rentrée prochaine, puisque les premières lumières, ce sera au mois de juillet, ça, Philippe. Hein. C'est ça, juillet. Mais on va poursuivre notre exploration de l'actualité scientifique et de la recherche et on va passer à nos dossiers du jour. One day, those buildings won't be here. No cars, no time, no fear. No streets, no girls, no trees. Oh, what a waste. My friend, it's closer than you think. And what did you expect? You never gave your best. Oh, what a waste. We should know there's nothing in the end. So why don't you hold my hand and sing along with us? The orchestra. Les Mentet Dust in Space, de la poussière dans l'espace, à 16h32 sur France Culture. C'est exactement ce qu'a détecté le télescope spatial TESS, mais pas n'importe quelle poussière. Il se pourrait bien, cher Philippe, que l'objet qui répond au doux nom de TIC 4007-99-224 soit en fait une planète brisée. Alors, oui, TIC... voilà, les numéros derrière. Ouais, avec le numéro derrière, on va l'appeler TIC, mais c'est, ça vient du catalogue Tycho, qui est un catalogue d'étoiles. C'est une étoile, et c'est une étoile double. Et autour de l'une de ces deux étoiles, qui sont à peu près de la taille de la masse du Soleil, on observe le satellite TESS, qui, lui, cherche des exoplanètes, trouve des variations de luminosité de l'une de ces deux étoiles, tous les 20 jours à peu près. Mais des variations qui sont pas, identiques. Ça dure plus ou moins longtemps. La courbe de lumière, elle est comme si un jour, et puis comme ça l'autre jour. Et donc, ça pose quand même un problème aux astronomes. Et ils ont réfléchi, et il se pourrait que ce soit un nuage de débris. Alors, soit d'une petite planète ou un gros astéroïde, qui est en train de se désintégrer ou qui l'a été récemment, soit plus probablement d'un de ces gros astéroïdes, mais qui reçoit de temps en temps un bombardement, en fait, qui est bombardé par d'autres astéroïdes. Et alors ça, c'est très intéressant parce que des objets un peu comme ça, bizarres, on en trouve de temps en temps. Alors, TESS observe les étoiles et voit leurs variations de lumière. C'est comme ça que, quand une planète passe devant, on la détecte. Donc, il en a déjà un paquet à son actif. C'est la méthode des transits, c'est classique pour détecter les exoplanètes. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que ce qui passe devant, clairement, ça n'est pas une planète. C'est quelque chose de bizarre qui, de temps en temps, a des trous avec des sortes de luminosité, etc. Donc, grosso modo, un nuage avec des particules, peut-être des cailloux, des fragments. Et maintenant, il reste à savoir ce qui se passe autour de cette étoile. Alors, c'est étonnant parce que ça rappelle une autre étoile qui s'appelle Epsilon du Cocher, où, pareil, il y avait des éclipses mystérieuses il y a quelques années, et on s'est aperçu qu'il y avait un nuage de débris qui passait autour. Alors tout ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une lumière sur tout ce qui se passe autour d'autres étoiles et dans d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Parce que le nôtre, finalement, on le connaît tel qu'il est aujourd'hui, et tout ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment il en est arrivé là. On sait que c'est une histoire qui a duré 4 milliards et demi d'années pour le nôtre, mais on peut pas remonter le temps. Donc, la manière de remonter le temps, c'est d'aller voir ailleurs. Alors, on observe des étoiles jeunes, celle-là, c'est peut-être le cas. On n'est pas sûr, il y a encore beaucoup d'études à avoir, mais il semblerait que ça soit le cas. Et donc, ça semble logique qu'il y ait des collisions et qu'on observe celle-ci en direct, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas pu observer dans notre système solaire et qui a fait, au fil des milliards d'années, le système solaire tel qu'il est aujourd'hui, on est en train de l'observer avec ce cas, mais aussi avec d'autres, dans notre système. C'est ça qui est fabuleux. Ça pourrait ressembler à ce qu'on a connu au tout début du système solaire, qu'on appelle le grand bombardement tardif, par exemple. Par exemple. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Oui, alors, le grand bombardement tardif, qui se l'a dit au passage... Qui est pas tardif, qui est au début du système, ouais. Par ailleurs, c'est un peu piégeux. Il est très tôt pour nous, puisque c'était il y a 3,8 milliards d'années, et qui, d'ailleurs... est aujourd'hui encore remis en question. C'est une théorie, évidemment. On essaye, en voyant le système solaire tel qu'on l'a aujourd'hui, d'expliquer la position de chaque planète et de toutes les familles d'astéroïdes et de comètes. Et il y a des modèles très puissants qui tournent et qui, à un moment donné, ont montré que il y a eu, du fait du jeu et d'instabilité entre les planètes et de résonance entre les planètes, des familles de corps célestes, de petits corps célestes, des comètes et des astéroïdes, qui ont été précipités vers l'intérieur du système solaire et qui l'auraient bombardé tardivement, parce que c'était certes il y a 3,8 milliards d'années, mais n'oublions pas que le système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années, et qu'avant ça, entre 4,5 et 3,8, les impacts étaient censés décroître beaucoup, et qu'à 3,8 milliards d'années, c'était censé se calmer. Et donc, s'il y a eu ce grand bombardement tardif, il a eu lieu à ce moment-là, il y a eu une recrudescence, en quelque sorte. Donc ça pourrait être, justement, un épisode comme ça, qu'on observe autour de TIC. Mais ça pourrait être aussi le phénomène normal de décroissance des collisions au sein d'un système planétaire. Oui, parce que quand vous parlez d'astéroïdes, Philippe, il faut se figurer pas des petits astéroïdes qui nous tombent dessus, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Patrick. Ce sont des planètes, quasiment des planètes naines. On parle d'astéroïdes de la taille quasiment de Cérès dans la teinture d'astéroïdes. On parle d'objets quand même qui sont relativement volumineux. Cérès, c'est 930 km de diamètre. On parle d'astéroïdes de la centaine de kilomètres ou de 200 kilomètres de diamètre, comme il devait y en avoir beaucoup au début du système solaire. Et n'oublions pas que notre propre histoire nous rappelle qu'elle est faite de collisions. La Terre est née de collisions. La Terre et la Lune sont nées de collisions de planétoïdes, alors qui étaient certes beaucoup plus gros, mais ça a marché comme ça au début. Les collisions ont été nécessaires à façonner notre monde et tous les autres qui tournent autour du Soleil. Et donc c'est ça qu'on observe avec TIC, qui est un exemple, mais on pense par exemple aux observations qui sont faites avec le réseau d'antennes ALMA, qui observe dans une longueur d'onde un peu plus un peu différente, qui n'est pas visible pour l'œil nu, où on observe de nombreux disques de poussière avec des trous dedans, comme les anneaux de Saturne autour de certaines étoiles. On observe aussi certaines petits corps dans ces disques. Donc, en fait, au-delà de cette découverte ponctuelle dont nous faisons écho sur le site de Ciel et Espace depuis aujourd'hui, on a mis le lien déjà. Merci beaucoup. au-delà de ça, on voit qu'on est en train d'assembler, grâce à des instruments, et le James Webb Space Telescope va en faire partie, un puzzle énorme qui est celui, finalement, de notre histoire. Enfin, en tout cas, de la manière dont notre monde a été créé au cours des milliards d'années qui se sont écoulées. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ce corps, donc pour le moment, il faut rappeler que c'est une hypothèse, l'hypothèse d'une planète ou d'un gros astéroïde brisé, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais l'une de ses caractéristiques surprenantes, c'est qu'il émet de la poussière périodiquement, c'est-à-dire qu'il continue à émettre de la poussière en continu. C'est pour ça qu'on parle de... d'un bombardement éventuel, parce qu'on se dit, ben, il y a des éclipses où il y a pratiquement rien. Il y en a d'autres où c'est très sombre. Et entre deux, il s'est passé quoi? Alors, est-ce que il est régulièrement bombardé et il émet de la matière comme ça? Parce que, bon, forcément, quand vous envoyez un astéroïde contre une planète, ça éjecte des tas de trucs. Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'il est, par exemple, victime d'un bombardement en règle de ce qu'on appelle une famille de comètes? C'est-à-dire, c'est des comètes, en gros, qui suivent la même trajectoire. Et chaque fois que cette planète va passer dans la trajectoire, elle va être bombardée. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça n'est pas ça? On n'en sait rien. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est une étoile de magnitude 12,6. Ça veut dire que des astronomes amateurs avec un petit télescope peuvent l'observer. Alors, hélas, pas depuis l'Europe. Parce que c'est dans la constellation de la Carène et c'est en plein dans l'hémisphère sud. Donc, c'est les amateurs des contrées australes. Nous avons des auditrices absolument, des auditeurs qui nous écoutent en Amérique du Sud, en Australie. Et donc, il est intéressant, Afrique, par exemple, de continuer à suivre ces éclipses qui ont lieu à peu près tous les 20 jours. Pour voir ce qui se passe. Et de même, les astronomes professionnels sont en train de se dire, mais comme c'est une étoile relativement brillante au niveau des astronomes, elle n'est pas visible à l'œil nu, eh bien, on va pouvoir regarder dans les photos qui ont été prises au cours des décennies, voire pas des siècles, mais des dizaines de décennies qui nous ont précédés, pour voir si on retrouve ces éclipses et à quel moment. Et peut-être qu'on pourrait avoir un moment où il n'y a pas ces éclipses, en fait. Et on pourrait dater le début du bombardement, voire de la désintégration. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, si vous avez jamais pointé votre télescope vers ce TIC 40079224 et que vous nous écoutez depuis l'hémisphère sud, et surtout si vous avez pointé votre télescope il y a une dizaine d'années, vos clichés valent peut-être de l'or, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Philippe. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Faire de la recherche en embryologie, c'est compliqué pour les raisons qui vous viennent immédiatement à l'esprit, des raisons éthiques au premier chef, mais aussi la faible disponibilité d'embryons surnuméraires pour faire des études et des expériences. D'où l'excitation dans ce milieu, l'embryologie, due au développement d'embryons reprogrammés à partir de cellules de peau, Thomas. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle des blastoïdes. Les blastoïdes sont donc des petites masses d'environ 0,2 mm, composées d'une centaine de cellules, et qui vont reproduire le comportement d'un embryon. Alors, on va reprendre au début. Hein, l'embryon, il faut normalement un ovule et un spermatozoïde. Ça donne une cellule œuf. C'est ce qu'on m'a appris en sciences nat. Oui, exactement. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Bon. Après, cette cellule, elle se divise, et au bout de quelques jours, ça devient ce qu'on appelle un blastocyste. Le blastoïde, là, ces embryons artificiels humains, en fait, eux, ils passent pas par la case fécondation. En fait, ce sont effectivement des cellules de la peau ou des cellules souches qui sont reprogrammées, qu'on met dans des cocktails de facteurs de croissance, et puis ensuite on les met dans des petits puits en plastique et on les assemble. C'est vraiment de l'artisanat un peu microscopique, parce que la façon dont on va assembler les cellules entre elles va modifier un peu la façon dont elles vont se développer. Et on obtient donc ces blastoïdes qui vont se développer ensuite d'eux-mêmes et à la manière d'un embryon, c'est-à-dire qu'il se forme une sorte de cavité creuse où vient se tapir, il y a un petit amas de cellules qui vient se mettre, et puis ensuite il y a les cellules qui se divisent et qui se différencient. Il y a deux populations qui normalement l'une devrait donner le placenta et l'autre l'embryon, puis une troisième population apparaît, puis il y a même une strie primitive qui se crée et qui montre l'endroit où devrait normalement se nicher l'embryon dans l'endomètre. Et ils arrivent même, les chercheurs ont même montré que ils allaient se nicher eux-mêmes sur une structure comparant l'endomètre. Donc on est vraiment face à des sortes d'embryons humains artificiels, des mini-clones de nous, parce qu'en plus de ça, par exemple, si je donne mes cellules de la peau, ça devient des mini-clones de moi de quelques jours. Quoi. Des mini-tomas en boîte de pétri. Ouais. Alors c'est évidemment fascinant en termes de recherche. Là, j'imagine que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent ont tous bondi de leur chaise, parce que ça pose évidemment des questions éthiques immédiatement, c'est de se dire pourquoi avoir besoin de créer ces faux embryons qui ne se comportent d'ailleurs pas tout à fait exactement, comme les encore. Véritables embryons, on n'est pas encore là. Et puis surtout, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les barrières pour ces recherches? Quel est le cadre éthique pour mener ce type de recherche? Alors le cadre éthique, il est simple, c'est au bout de 14 jours de développement, on est obligé de détruire l'embryon, de toute façon. Ça, c'est la loi bioéthique, elle sera peut-être revisitée en 2028, mais en tout cas, on en est là, c'est 14e jour, c'est obligatoire, il faut détruire. Après, à quoi ça sert? Eh bien, vous l'avez dit au tout début, en fait, la recherche en embryologie, c'est extrêmement compliqué, parce que, tout simplement, on n'a pas beaucoup d'embryons à observer. Il arrive qu'au cours d'une FIV, un couple, d'une fécondation in vitro, un couple fasse don d'un embryon, soit parce qu'ils ont abandonné le projet, soit parce que une grossesse naturelle est arrivée pendant la procédure. Et donc dans ce cas-là, les chercheurs peuvent observer l'embryon toujours jusqu'au 14e jour où ils doivent le détruire obligatoirement. Et en fait, c'est ultra important de pouvoir observer ce développement. Donc jusqu'ici, les chercheurs, ils étaient avec soit de très très rares dons, soit avec des modèles animaux. Et en fait, pour découvrir le secret du développement de l'embryon humain, c'est super. Ces blastoïdes, ils vont être très très intéressants et ça a plein d'applications possibles, que ce soit sur des connaissances pures, mais aussi des applications sur réduire des problèmes d'infertilité ou par exemple aider à de nouveaux moyens de contraception. Ça a été d'ailleurs une des premières applications faites. Là, ils ont pu, grâce aux blastoïdes, trouver de nouvelles molécules qui empêchaient la nidation en fait des blastoïdes et donc, a fortiori, des blastocystes. Ouais. Alors donc effectivement il y a cette règle, hein, l'International Society for Stem Cell Research a édicté cette règle, c'est l'association qui se présente comme le porte-voix de la recherche internationale sur les cellules souches. Ils ont décidé vraiment de garder des règles très très fermes pour qu'on n'aille pas au-delà de ces jours. Ce qu'il faut peut-être préciser avant cela, Thomas, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, finalement justement à cause de ces barrières éthiques et morales, on connaît finalement très peu ou encore vraiment mal les processus de différenciation. On a fait des exemples sur des souris, exactement, mais les souris et le développement de la souris diffèrent très tôt du développement de l'embryon humain. Donc on est vraiment face à une aporie scientifique. Il nous manque de la connaissance sur la façon dont se développe l'embryon dans ses premiers moments, justement. Oui, effectivement, cette zone des 6 au 14e jour, c'est ultra important sur la façon dont l'embryon va s'implanter, la façon dont les premiers tissus vont se spécialiser. En fait, là, on est face à... on voit rien, en fait. C'est impossible à observer. Et comme vous le dites, le modèle animal, il différencie très tôt de l'humain. Donc, les blastoïdes, là, ces nouveaux embryons artificiels, vont pouvoir aider à combler un peu ce manque de savoir. Et c'est pour ça que les chercheurs tendent à les rendre de plus en plus... à ce qui mime de plus en plus le réel comportement d'un embryon. Ça, ils y arrivent aujourd'hui en comparant chez les embryons et chez les blastoïdes la façon dont les gènes s'expriment, parce que c'est pas exactement pareil. Et donc ils cherchent, en comparant ces gènes-là, à rendre les blastoïdes de plus en plus réel. Mais alors, du coup, il y a quand même évidemment la question de se dire quel est le statut, quelle est la nature de ces embryons. Est-ce que ce sont effectivement des clones? Est-ce qu'ils pourraient devenir viables, etc. Et là, il y a quelques expériences qui montrent qu'on est encore pas tout à fait près de répliquer exactement le développement embryonnaire naturel. On en est encore très loin. L'expérience a quand même été tentée d'implanter ces blastoïdes chez les souris en 2018, chez la souris. Et il y a 10%, je crois, des blastoïdes qui ont réussi à bien s'implanter dans l'endomètre, mais par contre, leur analyse après a montré qu'ils n'auraient jamais donné d'embryon viable. Là, pour l'instant, le but, c'est quand même de réussir à mimer le comportement jusqu'au 14e jour, et donc à pouvoir comparer ça. Et pour l'instant, les dernières recherches montrent qu'il se développe normalement jusqu'au 13e. Donc on est quand même très loin de créer un humain dans une boîte de pétri. Mais en tout cas, pour la recherche, c'est assez formidable. On va évidemment suivre et faire... On vous a remis d'ailleurs un certain nombre de liens sur les émissions que nous avions consacrées à l'embryologie et sur les avancées de l'embryologie, notamment sur l'utérus artificiel assez récemment, qui était un sujet passionnant. Merci beaucoup, Thomas. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Dernier dossier de ce vendredi actu, si vous faites partie des millions de personnes qui ont vu ça. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Voilà, extrait de Don't Look Up, le blockbuster d'Adam McKay, diffusé sur Netflix, dont nous parlerons d'ailleurs en longueur la semaine prochaine. Mais vous êtes peut-être demandé, en regardant cette comédie, que se passerait-il vraiment si une comète ou un astéroïde fonçait droit sur nous? Eh bien, Patrick, il y a une réponse à cette question, ou en tout cas des éléments de réponse, grâce à Dart. Oui, absolument. Il y a des réponses. Et en fait, il y a deux questions, en réalité, quand on regarde Don't Look Up. C'est est-ce que ça pourrait arriver? Et si oui, est-ce qu'on a un plan? Donc, c'est deux questions distinctes. Alors, déjà, il faut savoir que chaque année, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs dizaines de milliers de météorites qui touchent le sol terrestre, hein, sauf qu'elles pèsent rarement plus d'un kilo. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'un gros corps céleste, tel qu'une comète ou un astéroïde, pourrait entrer en collision avec notre planète? Alors, dans l'absolu, bien sûr, c'est possible, hein, on le sait, c'est déjà arrivé. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 12 km de diamètre a éliminé une grande partie des espèces vivantes, dont les dinosaures. Et c'est justement parce qu'on sait que c'est possible qu'on surveille le ciel attentivement. Quand je dis « on », je parle surtout de la NASA, bien sûr, puisque depuis 2016, donc, l'Agence spatiale américaine a créé un bureau de coordination de la défense planétaire. La mission principale de cet organisme qui fleure bon la science-fiction, c'est de détecter la présence des objets géocroiseurs, donc les comètes et les astéroïdes, et de calculer le risque d'impact. Alors, pour ce faire, la NASA utilise notamment le programme Sentry, donc c'est un algorithme de surveillance très précis. Sentry, ça veut dire sentinelle. Et la nouvelle version de ce programme a été déployée mi-décembre, donc c'est très récent. Et pour l'instant, la NASA a détecté environ 28 000 astéroïdes à proximité de la Terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun d'entre eux ne menace de nous heurter dans les décennies à venir. Donc ça, déjà, c'est quand même très cool de l'apprendre. Personnellement, ça a été un vrai soulagement. Vous dormez mieux? Absolument, je dors beaucoup mieux, même si on s'est fait peur avec l'astéroïde Apophis, dont on pensait il y a quelques années qu'il risquait de nous rentrer dedans en 2029. Donc il y avait eu une petite vague comme ça d'angoisse cosmique à la suite de cette annonce. Mais finalement, Apophis devrait passer à 30 000 km de la Terre. Donc c'est pas loin, mais c'est quand même assez loin pour qu'on s'en tire sans trop de bobos. 30 000, ça commence à être près quand même. Je vois Philippe Hénaréros qui lève le sourcil. 30 000 en distance cosmologique, c'est pas loin quand même. Hein. 30 000, c'est pas loin, cela dit. C'est pas dans le mille, mais c'est non, pas loin. C'est ça pas pourrait loin. Nous donner un joli spectacle, j'imagine. Je pense que Philippe est d'accord. Ça devrait être assez beau à voir, mais en tout cas, on s'en sortira. C'est un dixième de la distance, c'est un peu moins d'un dixième de la distance Terre-Lune. Hein. Voilà c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est quand même proche. Oui. Mais donc, si un objet géocroiseur se dirigeait vers nous, est-ce qu'on aurait un plan? Donc ça, c'est la question numéro 2. Eh bien, ça fait aussi partie des missions du Bureau de défense planétaire. En novembre dernier, la NASA a envoyé un engin spatial, comme vous le disiez, la sonde DART, en direction d'un astéroïde de 780 mètres de large nommé Didymos. Donc DART, ça veut dire flèche, et le but, c'est d'entrer en collision avec une petite lune de cet astéroïde, Dimorphos, afin de modifier légèrement la trajectoire de cette dernière. Alors, à titre de comparaison, Dimorphos fait à peu près le même diamètre que le Colisée de Rome, donc pour vous donner une idée, et l'impact devrait avoir lieu fin septembre 2022, donc à la fin de l'année. Et ensuite, c'est l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, qui prendra le relais dans 2 ans, avec la mission ERA. Et donc ERA, c'est une sonde qui ira mesurer le résultat de l'impact de DART dans les moindres détails. Et l'objectif de cette double mission, c'est de vérifier que nous sommes capables de dévier la trajectoire d'un corps céleste afin de peut-être un jour, justement, sauver la Terre. Mais alors Patrick, la question, Patrick ou Philippe d'ailleurs, comment est-ce que on peut dévier avec un seul satellite? Est-ce qu'il a des bombes nucléaires sur lui? Comment est-ce que ça se passe? Parce que là en plus, il ne va pas taper le gros astéroïde de 780 mètres, mais le petit satellite naturel, la petite satellune, je ne sais pas comment on dit, un truc comme ça, la lune de ce satellite qui fait 160 mètres. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'espace et pourquoi est-ce que taper la petite lune, ça dévierait la trajectoire du gros astéroïde? L'idée, c'est d'envoyer la sonde pour qu'il y ait un impact sur cette petite lune et de voir si ce simple impact peut permettre sur le long terme de dévier suffisamment la trajectoire d'un astéroïde. Parce qu'évidemment, les engins spatiaux qu'on peut envoyer seront toujours ridicules en taille par rapport aux astéroïdes potentiellement menaçants. Mais l'idée, c'est qu'un petit impact sur la durée, s'il a lieu suffisamment loin, pourrait permettre de dévier la trajectoire de manière suffisante, quoi. Donc, c'est vrai que dans le film, effectivement, ils envoient des missiles nucléaires, a priori, et on le saura d'ailleurs quand on aura les résultats de la mission ERA, hein, mais a priori, un petit impact, s'il a lieu suffisamment loin, pourrait permettre de dévier la trajectoire de manière à nous sauver. Philippe ? Juste l'avantage d'avoir choisi Dimorphos, qui est une toute petite lune, autour d'un astéroïde plus gros, c'est justement ce qui va permettre de voir le résultat de l'impact sur le long terme, parce qu'on va mesurer son orbite avant et on va la voir après avec la sonde. La sonde européenne arrivera 2 ans après, donc c'est longtemps après. Elle va rester un bon moment autour. Évidemment, c'est un tout petit engin qu'on envoie dessus, donc la déviation, ça va être infinitésimale. Donc l'avantage d'être en orbite autour d'un plus gros astéroïde, c'est justement de mesurer l'évolution de cette orbite pour voir la déviation. Mais la déviation, elle va concerner juste la Lune. Ça va pas faire dévier l'astéroïde lui-même. L'astéroïde lui-même servirait de repère, en fait. D'accord. Ouais. Parce qu'on pourrait imaginer que ça perturbe l'interaction gravitationnelle entre les deux objets et que, en perturbant la trajectoire de la petite Lune, ça modifie légèrement la trajectoire de la grosse et qu'on puisse alors, finir ça par... Ça doit être le cas, mais alors dans des proportions qui ne seront pas visibles. C'est ça, qui sont infinitésimales. Philippe, il y a eu d'autres expériences, parce que là, Dimorphos, il est très très très loin. Qu'est-ce qui se passe si, comme ça peut arriver, la météorite qui explose dans le ciel russe... À Chelyabinsk. Tunguska en 1907. Voilà, il y a Tunguska en 1907, mais celle qui a été filmée, qui a explosé, ouais, qui a fait exploser toutes les... Celle-là, on ne l'a pas vu venir du tout. Non. Du tout. Et notamment, vraisemblablement, parce qu'elle venait depuis la direction du Soleil. Donc, oui, elle était invisible aux yeux des télescopes. Et surtout, c'était un tout petit objet, oui, en fait. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que les objets menaçants de l'ordre d'1 kilomètre ou de quelques centaines de mètres, on les connaît majoritairement. Il peut en rester, mais voilà, on est bien au clair avec ça. Par contre, les petits objets, mais voilà, il y aura des conséquences type Chelyabinsk. Il y avait quand même eu pas mal de blessés, hein, 2000 ouais, blessés, le blast avait été énorme et tout, mais pas de catastrophe planétaire. Patrick ? Oui, j'ai oublié la question. Non, je vous prends au dépourvu. Non, sur la réalité et sur la possibilité de découvrir un astéroïde beaucoup plus tard, c'est-à-dire vraiment de le voir dans le film Don't Look Up. On en reparlera la semaine prochaine. C'est 6 mois, mais est-ce que ce scénario de découvrir un objet géocroiseur 3 semaines avant son impact, 15 jours avant son impact, qu'est-ce qui se passe ? Si ça arrivait, je vais pas vous mentir, ce serait un peu compliqué comme situation. Quand même. mais là, a priori, donc voilà, la NASA surveille actuellement plus de 28 000 astéroïdes qui passent à proximité de la planète et aucun d'entre eux ne présente de menace sérieuse. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait pas de chance pour qu'il y en ait un qui soit passé à travers les mailles du filet de Sentry, et Sentry 2 maintenant qui est encore plus précis. Donc là, on peut être rassurant, je pense, sur le fait que il y aura pas de catastrophe de type Don't Look Up dans les décennies à venir, voire peut-être même dans les siècles à venir. Maintenant, si ça se produisait comme dans le film, là, je pense qu'il faudrait prier très fort, hein, en fonction de la religion de chacun, quoi. ou regarder le spectacle jusqu'au bout. Non, mais néanmoins, Philippe, il y a d'autres options. Alors, on pense encore une fois, effectivement, au film à l'arme nucléaire, mais en fait, détruire le satellite très près de la Terre, c'est très dangereux. Oui, ça, ouais, ça n'importe rien. Ouais, parce qu'on aurait des milliers de morceaux plus petits, mais quand même assez gros, et ça diffuserait un peu l'énergie arrivée, mais elle serait quand même bien compacte. On poursuit et on développe cette conversation la semaine prochaine avec un astrophysicien et un journaliste ciné que vous connaissez un peu peut-être si vous écoutez l'émission régulièrement. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Philippe Hédarreros dans une de Ciel Espace. Eh bien, on est encore sur le JWST, tout ce qu'il va faire, c'est le moment de le lire. C'est le moment de le lire, exactement. Thomas Cavaillé à la Une de Science et Vie. Le métavers et son impact sur le monde réel. Absolument. Patrick Beau, la série secrète chez Dunod, d'autres actualités ? Eh bien, vraiment, surtout le livre France Secrète, effectivement, sur les curiosités méconnues de la France, absolument. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amélie Boucherka, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard, la réalisation, Maïwen, le géant à la technique. Et comme toujours, La Méthode Scientifique, c'est sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr, tout jamais jusqu'à la fin des temps, à moins qu'un astéroïde nous percute, jusqu'à preuve du contraire.